Enfin, vous me connaissez, je suis pas Montesquieu, mais enfin, intellectuellement, je suis plus proche de Philippe Candeloro, mais, non, mais c'est vrai, il y a un truc qui m'échappe. Quand même. J'ai l'impression que les relations hommes-femmes. Pourquoi 4 ans ? Mais oui, ça, ouais. J'ai l'impression que ça changeait plus vite, les relations hommes-femmes. Regarde ce pauvre Tex. Là, il est en Sibérie, là. Il y a des, chaque jour, il y a des castors qui lui prennent son innocence. Tout ça pour une vanne de tonton dans un monde qui change. Mais une loi qui dirait au patron de France, tiens, en fait, à poste égal, vous pouvez pas juste égaliser les salaires hommes-femmes, s'il vous plaît ? Je vais vous dire, belle découverte musicale. Il y avait une belle reprise d'Amel Bent. Mais alors, si vous voulez, version anti-avortement. Version anti-loi Veille. Shooter la loi, ça me fait pas peur. Face aux médias, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut, j'en ferai. Pour que tous les bébés aient la chance de vivre. C'est pas mal, hein. Je vois que Benjamin Biolay est jaloux. Très. Je comprends, ça groove pas mal, hein. Très, ça va lui faire plaisir, Amel Bent. Franchement, non, voilà, c'est à elle que je pense. Non, mais c'est sympa. C'est incroyable. C'est alors, ils ont rebossé les paroles, hein. Vous avez vu, ils ont enlevé. Ils ont enlevé viser la lune. Alors que viser la lune, c'est quand même une bonne manière de ne pas avoir d'enfant, finalement. Mais eux. Et alors, mon information préférée du site, ils ont fait un classement des termes de recherche qui étaient les plus à la mode en 2017. Alors, en vrac, on y trouve ghetto booty, hein, qu'on pourrait traduire par fessier de banlieue, voilà. Sinon, on trouve aussi le terme sexo en espagnol, qu'on pourrait traduire par sexe dans Gérard Piqué. Et enfin, mon terme de recherche à succès préféré cette année, mon Dieu. Surprise anal, ou sodomie-surprise. Alors passons à Carrefour, oui. Qui a donc annoncé la suppression de 2400 postes en France via un plan de départ volontaire. Oui, alors qu'il aurait suffi de le faire boire aux employés leur produit Lactalis pour assister à un plan de départ volontaire, mais définitif. Quand j'ai vu que notre invité était Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture, je me suis rappelé qu'il y a 3 mois, vous étiez déjà là en chronique. On avait déjà parlé accaparement des terres, spéculation, manque d'informations, suicide, pesticides, CETA. C'était très dense. Et donc, je me suis dit, car je suis maligne, pour ne pas perdre de temps, vous, à écouter, moi, à écrire, au lieu de se taper une nouvelle chronique, je vais tout simplement lui refourguer une deuxième fois mon ancienne chronique pour la recycler. Sauf qu'évidemment, dans le bureau, ça a jasé. Ils m'ont dit, non, mais Nicole, ça va pas la tête. France Inter n'est pas un vieux dépôt vente. On cherche à refiler des chroniques toutes périmées, donc tu n'as pas affilé du contenu frelaté à nos auditeurs. Alors Stéphanie dit dans son interview, la défense animale c'est un truc de bobo qui consiste à s'occuper des animaux plus que des humains. Mais parce qu'on peut pas faire les deux. Enfin moi j'ai plein d'amis, s'il y avait le feu chez eux, ils sauveraient leur chien et ils remonteraient chercher leur fils ensuite. Enfin, bah, on n'est pas des monstres. Voilà, c'est tout l'héritage qui vient de nos ancêtres, de notre monde, c'est cette terre qui coule dans nos veines, et c'est le bête avec qui on partage la vie. Si vous voulez protéger ce monde, il faut que vous, les riches et les puissants, vous donniez ce que vous refusez de nous donner depuis si longtemps. Des dividendes ? Non, du respect.